C'est l'histoire d'un groupe de chercheurs qui étudie les neutrinos. Ils veulent en mesurer la vitesse de manière directe, en mesurant la durée qui s'est écoulée sur le trajet de ces particules furtives qui peuvent traverser la Terre de part en part sans interagir, après avoir mesuré très précisément la distance de leur parcours. Le problème est qu'ils obtiennent un résultat extraordinaire, au premier sens du terme. La valeur de vitesse obtenue est supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. La limite absolue déterminée par Albert Einstein dans la théorie de la relativité générale. Pensant logiquement à un défaut dans le processus de l'expérience, fort complexe mis en œuvre, le groupe de chercheurs va s'échiner durant des mois à trouver l'origine du problème expérimental, mais en vain. Des idées audacieuses émergent alors. Et si les neutrinos possédaient des caractéristiques anormales et pouvaient être réellement supraluminiques? Ettore Majorana était un physicien hors norme. Arrivé à l'Institut de physique de Rome en 1928, sous l'égide d'Enrico Fermi, il côtoya les plus grands noms de la physique subatomique naissante de l'époque. C'est aux côtés de Werner Heisenberg, en 1933, dans une Allemagne en plein tourment, qu'il produisit l'une des théories les plus inventives en physique des particules, qui montrait que les neutrinos pouvaient être leurs propres antiparticules, avec des propriétés étonnantes. Et si Ettore Majorana, qui abandonna brutalement le monde scientifique entre 1934 et 1937, pour réapparaître un an plus tard durant quelques mois, avant de disparaître définitivement à l'âge de 31 ans, avait pu imaginer que les neutrinos puissent se mouvoir plus vite que la lumière et avait envoyé un message aux physiciens d'aujourd'hui avant sa disparition? 60 nanosecondes est un premier roman dans lequel s'entremêlent ces deux histoires, mêlant physique contemporaine dans ses développements les plus pointus et prémices de la physique nucléaire sous le regard de l'un de ses pionniers, génie en avance sur son temps et mystérieusement disparu. J'ai écrit ce roman scientifique, que je vous offre aujourd'hui, dans l'objectif d'associer au récit romanesque de la science en train de se faire une vulgarisation des phénomènes physiques les plus passionnants qui soient et qui nous entourent au quotidien. 60 nanosecondes est à télécharger et à lire gratuitement, dans tous les formats, et vous pouvez également écouter le texte intégral découpé par chapitre. Bonne lecture! Vous retrouverez 60 nanosecondes ici, donc www.ça-se-passe-là-haut.fr/p/60-nanosecondes.html. Une fois 60 nanosecondes refermées, vous aurez peut-être envie d'en savoir plus sur la vie et l'œuvre de Ettore Majorana, et je ne peux que vous conseiller de lire l'excellent ouvrage de Étienne Klein, qui est paru fin 2013, et qui s'intitule « En cherchant Majorana », aux éditions Équateur Flammarion.